Je sais que beaucoup de prières restent sans réponse, mais parfois survient la lumière. Faudrait pas que tu renonces. C'est pas fini. Si tes problèmes t'empêchent d'avancer, souris à la vie. Tu ne dois jamais abandonner. Relève la tête et pars au combat. Oui, sache que ton cœur peut tout surmonter. La vie est à portée de bras. Ne laisse personne te l'enlever. Jamais, et le malheur non plus, c'est pas fini. Oubliez la douleur qui t'étouffe, souris à la vie. Car c'est à toi de sortir du gouffre. Relève la tête et pars au combat. Oui, sache que ton cœur peut tout surmonter. La vie est à portée